私の苦手なもの。 Je suis Radio Pulsar. Bonsoir les audionautes. Bienvenue vagabonds des fréquences modulées, arpenteurs des émotions sonores. Bienvenue dans cette deuxième édition diffusée sur les 95.9 de Radio Pulsar à Poitiers, dans la Vienne en France, et en mondial live streaming partout dans le monde sur radio-pulsar.org. Ce soir, nous allons faire un petit crochet en regardant par-dessus notre épaule pour comprendre comment tout a commencé. Il était une fois. Il était une fois une jeune femme appelée Dorothée. Il était une fois Jacqueline Joubert, directrice des émissions jeunesse d'Antenne 2. Il était une fois une émission appelée Récréa 2. C'était à la fin des années 70 du siècle dernier. C'est là, chaque jour, en fin d'après-midi, que le lien entre toute une génération d'enfants et la culture japonaise s'est noué pour toujours. Robots géants surpuissants, shérifs de l'espace capables de revêtir une armure de combat en quelques centièmes de seconde. Des filles guerrières se battant au nom de l'amour. Des extraterrestres venus sur Terre pour combattre la pollution. Des pirates de l'espace prêts à mourir pour une humanité dont les travers les répugnent. Des trains à vapeur traversant la galaxie. Des aventuriers cachant des psychoguns dans leurs bras. Des voleuses de haut vol se jouant de la police. Des orphelines spoliées par des arrivistes sans scrupules. Des enfants robots ayant une foi indéfectible dans les humains. Des héros mythologiques pris dans les jeux cruels des anciens dieux. Une humanité partie pour les prairies du ciel, pleine de rêves, avec l'espoir de dépasser les travers de leurs ancêtres pour créer un monde meilleur. Toutes ces séries nous ont fait rêver, ont ouvert nos jeunes imaginaires, nous mettant en contact avec une civilisation millénaire ayant un point de vue sur le monde très différent de la nôtre. C'est de là que vient cette émission, c'est de là que vient votre narrateur pour les 60 prochaines minutes. Vous êtes prêts ? Fermez les yeux. Le voyage commence. Le voyage vers Tokyo Mental. Tokyo Mental. C'est votre émission tous les jours pendant les vacances. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle. Quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra. Mais il est toujours là, c'est Cobra. Siècle. C'est parce qu'Ulysse avait terrassé le Cyclope et ainsi sauvé Télémaque, Thémis et Noumaïos que les dieux de l'Olympe imaginèrent cette terrible vengeance. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. jusqu'au royaume d'Hadès, au corps presque ordinaire. Ulysse, le chemin de la terre est effacé de ma mémoire. Papa! Papa! Vivant, vous êtes vivant! Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Dans le secret d'un laboratoire de Futurapolis, le professeur Battus a créé un nouveau robot. Cependant, ce robot du 21e siècle n'est pas tout à fait comme les autres. C'est un enfant robot. Qui aurait pu imaginer que cette petite créature fragile connaîtrait une extraordinaire destinée? Et pourtant, que d'aventures pour celui qui allait devenir Astro, le petit robot. Ce héros du futur qui nous fait vivre de vraies aventures, toujours là. Princesse Sarah, mignonne petite fille, fraîche fleur que baigne la rosée, toujours caressée dans ventre léger, une fleur qui est forte et qui restera bien levée, levée. Il ne fallait que 0,05 de seconde à Xor pour se retrouver dans son scaphandre de combat. Cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini, qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles et le ciel, tel un rêve éternel où le temps même s'efface pour faire place à l'espace. Sous 希望を読み取って。 していて、幸いこれまでのところ犯人は検挙されていますが、謎の武装集団による相次ぐテロ行為に都民は眠れぬ夜を過ごしております。さて次は今日の特集、夏のお台場名物コミックマーケットは今年もあった。 天に星、地に花、人に愛を、愛の戦士キューティーハニーさん。 希望を追い求めて、果てしなく旅は長く、人はやがて夢を追い求める旅のうちに永遠の眠りにつく。人は死に、人は生まれる。終わることのない流れの中を列車は走る。終わることのないレールの上を夢と希望と野心と若さを乗せて列車は今日も走る。そして今、汽笛が新しい若者の旅立ちを告げる。 鉄郎と一緒に行くことはできない。あなたも私も永遠に終わることのない時間の中を流れていく時の旅人。 メーテル、先に乗ってなさい鉄郎。 ああ。 These Sun Ra records I've been looking at. Yeah, they're too expensive. Yeah. Hey yo, 話が圧とはシャッター。俺は俺の時間を楽しむシャンパン。旧車ダイヤならいらないな。大概のものの開発さだが大概のつつつ。Yeah, アイテムよりも音楽と二人きりで入り入れる時間の完備さを俺は幼少かかかびってある。だからここ時でもいつでも隣。ウォークマン聞いて風切って走る。ハンドル切って田んぼ道で安息の地と愛情を知る。まさか様に落ちた時知る底力に。 Yeah, 助けられるレールの上歩いてるだけじゃ逆にさまよえるぜ。ヘンゼルグレーテルレーメン見たく手にした言葉でパッと咲かせる花のよう生命。俺は永遠を垣間見るために書く。吐くようにするラップ徘徊する。また残してゆく新たなアーカイブ。 Yeah, I'm not a man of God. shadow shadow a papa no kanakami na kini ga yoseki dai kubyodo na jise sai no monegai johi ni choga oshinbyo no nibotsu kose tadoki yo boku ni ibashi nado nai kara yume no hatsumare nai de nai de donna kan sureba ii ka wakatte ru dake no mada kotaete kure yumi o harate yumi o harate yoru no toba 深く深く迷い込んだ花びらが散ればあなたとさらば、それなら僕と踊りませんか。10万花がどうもあなたみたいで参りました。やがてまた巡り来る春の最中、そこは豊かな日だまりでした。身をやつしてやまないあんな話はどこやら、まだまだ心は帰れない、その遅い声でどうか騙しておくれ。カラカラに枯れ果てるまでふらふら揺られて、甘い香り残し影に守るし、聞きたい言葉も言いたい思いも笑うくらい山ほどあって、それでもあなたを前にすると何にも出ては来ないなんて、焦げつく痛みも差し込むしびれも口をつぐんだ恋と分かって、あなたの心に橋を架ける大事なライフだと知って、いつか消える日までそのままでいて、どうか騙しておくれ、愛と笑っておくれ、いつか消える日までそのままでいて、どうか騙しておくれ、愛と笑っておくれ、いつか消える日まで。 Let's go. Documental ferme ses portes. Il est l'heure d'aller se coucher. Le royaume de Morphée ouvre les siennes. Oyasumi, Poitiers. Le soleil se lève sur Tokyo. Hoyo, Tokyo! Et n'oubliez pas, nous sommes les faiseurs de musique et nous sommes les rêveurs du rêve. On se retrouve la semaine prochaine. このラジオ番組は終了しました。おやすみなさいポワジエ。おはよう東京。では来週の木曜日にお会いしましょう。このラジオ番組は終了しました。おやすみなさいポワジエ。おはよう東京。では来週の木曜日にお会いしましょう。